De tout le long du bois, je m'étais endormie. De tout le long du bois, je m'étais endormie. Par ici passa un chasseur de l'endroit qui m'a dit « Bonjour fillette, n'avez-vous pas froid ?» Par ici passa un chasseur de l'endroit qui m'a dit « Bonjour fillette, n'avez-vous pas froid ?»« Belle, si vous avez froid, doublons la couverture. Belle, si vous avez froid, doublons la couverture. J'ai mon beau manteau gris et mes jolis habits. Mon petit cœur, la belle, s'il vous fait plaisir. J'ai mon beau manteau gris et mes jolis habits. Mon petit cœur, la belle, s'il vous fait plaisir. De votre petit cœur, je ne me soucie guère. De votre petit cœur, je ne me soucie guère. Je suis fillette, fillette à marier. J'ai l'honneur d'être fille et je veux la garder. Je suis fillette, fillette à marier. J'ai l'honneur d'être fille et je veux la garder. À qui la gardes-tu, ton honneur de fille? À qui la gardes-tu, ton honneur de fille? À mon berger, à mon mignon berger, qui joue de la musique et m'apprend à danser. À mon berger, à mon mignon berger, qui joue de la musique et m'apprend à danser. De ton mignon berger, ne fais pas tant la fière. De ton mignon berger, ne fais pas tant la fière. Il est à Paris au service du roi. Je suis son capitaine, il ne reviendra pas. Il est à Paris au service du roi. Je suis son capitaine, il ne reviendra pas. Dans Paris j'irai, j'y ai des connaissances. Dans Paris j'irai, j'y ai des connaissances. C'est le duc d'Orléans à qui les bonnes enfants. Il donnera congé à mon fidèle amant. C'est le duc d'Orléans à qui les bonnes enfants. Il donnera congé à mon fidèle amant.